إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc nous continuons cette série de cours en langue française de l'explication des 40 hadiths concernant les droits du Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala. Nous en sommes arrivés au hadith numéro 21. الحديث الحادي والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. Donc le hadith 21, c'est le hadith d'Abu Huraira, où il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, le fils d'Adam me fait du tort car il insulte le temps, or je suis le temps, je fais s'alterner le jour et la nuit. Dans une autre version, n'insultez pas le temps car Allah est le temps. La première remarque concernant ce hadith, c'est que le temps n'est pas un des noms ou des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ici Allah dit « je suis le temps », c'est-à-dire il explique lui-même « je fais s'alterner le jour et la nuit ». Le temps est une créature parmi les créatures d'Allah. On ne peut pas donné comme nom ou comme attribut à Allah tabarak wa ta'ala ad-dahr, le temps ou la vie. Donc si quelqu'un ne comprend pas correctement le hadith, il pourrait croire que c'est un des noms et des attributs d'Allah quand Allah dit je suis le temps. Ici c'est sous-entendu je gère le temps. C'est moi qui fais s'alterner le jour et la nuit. C'est moi qui ai créé le temps et tout ce qui se passe dans la vie. Le temps ici c'est pas le temps ce qui est voulu par le temps ici, ce n'est pas la météo, mais la vie, le temps, ad-dahr, le temps qui passe. Ça, c'est la première remarque qui a son importance. La deuxième remarque, quand Allah Ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi, ici, dans ce hadith, le fils d'Adam me fait du tort. Est-ce qu'on peut nuire à Allah Subhanahu wa Ta'ala? Non. Ici, me fait du tort, c'est-à-dire me manque de respect. Ne me vénère pas comme il mérite de me vénérer. Comme celui qui donne des associés à Allah, il a fait une injustice à Allah. Mais est-ce qu'il fait du tort à Allah? Non, dans le sens où son tort ne l'atteint pas. Mais ce qu'il fait, c'est du tort, c'est mal, c'est une nuisance, c'est une injustice, c'est un mal. Sauf que ce mal n'atteint pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, aussi ici, il était important de souligner cela, qu'aucun tort n'atteint Allah. Et que le tort ici, c'est vis-à-vis du droit d'Allah, qui mérite d'être vénéré et qui mérite d'être respecté, subhanahu wa ta'ala. Donc, en insultant la vie, en insultant le temps, la vie qui passe, pourquoi l'être humain fait cela? Il l'insulte quand il n'est pas heureux de la destinée. Une expression connue en français, quelle vie pourrie, n'est-ce pas? Quelle mauvaise journée, quelle sale vie, etc. C'est ça qui est voulu ici, l'interdiction de faire cela. Car quand la personne insulte la vie, insulte le temps qui passe. En réalité, il insulte qui ? Il insulte Allah indirectement. Il insulte Allah indirectement. Car ce qui lui arrive n'est arrivé que par la volonté d'Allah, que par sa destinée. Les choses qui se passent dans la vie, même les tremblements de terre, les catastrophes, les feux, les incendies, quoi que ce soit, les guerres, peu importe, les malheurs, ne se passent que par la volonté d'Allah pour une sagesse qu'Allah tabaraka wa ta'ala sait. Allah ne fait rien sur cette terre sans sagesse. Tout ce qu'il fait a une sagesse. Et la finalité de ce qu'Allah décide est un bien. La finalité est un bien. Même si, pour nous, c'est un mal. Sur le moment T, on le voit comme un mal. Mais la finalité, la grande finalité, l'objectif final est un bien. Quel est cet objectif final ? C'est que l'homme soit testé et qu'il y a des habitants du paradis et des habitants de l'enfer. Et ce que l'on retrouve beaucoup chez les athées ou chez les gens qui ont la foi faible, c'est qu'ils veulent demander des comptes à Allah. Ils reprochent à Allah ce qui se passe sur terre comme catastrophe. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ne croient pas dans l'au-delà, tout simplement. Celui qui croit dans l'au-delà peut comprendre la sagesse de ces catastrophes. Celui qui ne croit pas dans l'au-delà, dont sa seule vie pour lui est sur cette terre, alors il ne comprend pas la sagesse. Il ne comprend pas pourquoi des gens sont opprimés sur cette terre et d'autres sont oppresseurs. Pourquoi des innocents, entre guillemets comme ils disent, des innocents, il leur arrive des malheurs. N'est-ce pas ? Alors que celui qui croit dans l'au-delà et qui croit dans le message avec lequel sont venus tous les prophètes, sait que ce n'est qu'une épreuve de la part d'Allah tabaraka ta'ala qu'il a voulu destiner pour qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. Chacun sera rétribué selon ses intentions et ses actes. Et Allah tabaraka wa ta'ala donc explique dans ce hadith, car c'est un hadith qudsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui dit « Je suis le temps, je fais s'alterner le jour et la nuit ». On comprend donc dans ce hadith, on tire de ce hadith l'interdiction formelle d'insulter la vie et le temps. Et même le temps, la météo, c'est interdit de l'insulter. On va le voir plus tard dans un autre hadith, qu'on n'insulte pas le vent, par exemple, ou la pluie. Car ceci aussi vient de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, ce hadith montre l'obligation de la foi dans le décret et le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que toute chose qui arrive n'arrive que par la volonté, le décret et le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, on tire de ce hadith que le temps, la vie, est une créature parmi les créatures d'Allah qui est soumise à la volonté d'Allah. On tire de ce hadith que la créature, en manquant de respect à Allah tabaraka wa ta'ala, fait du tort. Mais ce tort ne nuit en rien à Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui fait du tort en le rabaissant, en étant manquant vis-à-vis des droits d'Allah, mais ceci ne nuit en rien à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dans, il est venu dans le hadith, le Qudsi très long, où Allah Ta'ala dit « Ô fils d'Adam, si vos premiers et vos derniers, si vos premiers et vos derniers, vos humains et vos djinns, avaient tous le cœur comme le cœur de la personne la plus impie parmi vous, cela ne diminuerait en rien ma richesse. Ô fils d'Adam, si vos premiers et vos derniers, vos humains et vos génies avaient le cœur pieux comme le plus pieux parmi vous, cela n'augmenterait rien à ma royauté. » Donc, si tout le monde croit, cela ne rajoute rien à Allah. Si tout le monde m'y croit, cela ne diminue rien à Allah. Ce ne sont que nos actes qui sont comptés pour ou contre nous. Mais Allah, par sa miséricorde, aime que les gens soient guidés. Il aime la guider. Allah, il aime la guider. Allah appelle au chemin du salut, à la demeure du salut, au paradis. Allahu yad'u ila daris salam. Et Allah déteste le mal, la perversion, la mécréance et le péché. Le prochain hadith, le hadith 22, عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل متفق عليه. Donc le 22e hadith, le hadith de Abu Huraira aussi, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le plus misérable nom auprès d'Allah est celui qui se donne le titre roi des rois alors qu'il n'y a de roi que Allah. Dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nous informe: la plus misérable des personnes auprès d'Allah tabarak wa ta'ala est celui qui se donne un titre dont la signification comprend la vénération et la grandeur qui ne sied qu'à Allah tabarak wa ta'ala, tel que roi des rois, et se vante devant Allah. Celui qui porte un tel titre prétend, ou bien qu'on prétend pour lui, qu'il est un égal à Allah. Ainsi, celui qui porte de tels noms est la plus détestable et la plus misérable des personnes auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. On voit, on tire de ce hadith que le respect d'Allah tabarak wa ta'ala et sa vénération est même dans les titres et dans les noms qui sont donnés à autre qu'Allah. Même si les personnes à qui ces noms sont donnés, on ne vise pas par cela qu'il soit égal à Allah. Mais rien que lui avoir donné ce nom, c'est un manque de vénération vis-à-vis d'Allah. Aujourd'hui, ce type de titres sont donnés de manière différente. Et même de manière pire. Certains disent, celui-là est le dieu de tel sport. Celui-là est le dieu de telle chose, n'est-ce pas ? Il y en a même qui s'autoproclament lui-même, je suis le dieu de tel sport. Donc, ceci est contradictoire à la vénération que l'on doit vouer à Allah seul, même dans les noms. Il y a des noms, par exemple, qui sont propres à Allah, comme Ar-Rahman. Ar-Rahman, on ne peut pas le donner à un être humain. On peut donner certains noms qu'Allah porte à des êtres humains, sauf qu'ils n'auront pas la signification exacte de ce qui est à Allah tabarak wa ta'ala, comme Al-Aziz, comme Al-Hakim, Ali. Ali, c'est un des noms d'Allah, Al-Ali, n'est-ce pas? Mais on ne vise pas par cela une ressemblance aux attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais seulement, c'est juste un nom par rapport à des caractéristiques humaines. Alors qu'Allah tabarak wa ta'ala a les noms et les attributs parfaits, qui ne ressemblent en rien aux attributs et aux caractéristiques humaines. Tous les hadiths que nous voyons ensemble et que nous allons voir montrent donc la grandeur et la vénération que porte le croyant dans son cœur pour Allah, jusqu'au point qu'il fasse attention à chaque chose qu'il dit. Les mots qui sont contradictoires à cette vénération, comme le fait d'attribuer un bienfait à autre qu'Allah. Dire grâce à toi, grâce à un tel, grâce à Allah et à toi. Si Allah veut, et toi, comme on a vu dans le dernier cours. Tout ceci est interdit. Tout ceci est contraire à la vénération que l'on doit vouer à Allah tabarak wa ta'ala, au respect que l'on doit à Allah tabarak wa ta'ala et à sa religion. Il y a d'autres noms aussi qui vont dans ce sens-là, qui sont interdits, comme le juge des juges. Ou bien en perse, Shahinshah. Shahinshah, ça veut dire le roi des rois. Shahinshah. Il y a d'autres mots. Dans chaque langage, il y a des mots comme ça qui sont utilisés, qui sont contradictoires à ce qui est permis et qui sont des attributs qui ne sont propres qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. On tire de ce hadith aussi l'obligation de respecter les noms d'Allah et ses attributs. On tire de ce hadith aussi l'incitation à la modestie et de choisir les noms et les surnoms qui sont convenables à des créatures. Le prochain hadith, le hadith 23, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له متفق عليه. Donc ce 23e hadith où Abu Huraira aussi rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul d'entre vous ne dise « Oh Allah, pardonne-moi si tu le désires. Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu le veux, si tu le désires. Mais faites preuve de détermination lorsque vous invoquez Allah, car nul ne peut le contraindre. » Car nul ne peut le contraindre. Donc on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a interdit de faire dépendre la demande de pardon, la demande de miséricorde à Allah tabaraka wa ta'ala à sa volonté et à son désir. Et il a ordonné plutôt d'invoquer avec détermination. Il justifia cela par le fait que faire dépendre la demande à la volonté fait allusion au fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit surchargé par les demandes de ses créatures ou bien qu'il soit contraint de les exaucer. Il ne fait aucun doute que ces implications sont contraires à la foi et à la vérité, car Allah tabaraka wa ta'ala se suffit à lui-même et il n'a nul besoin de ses créatures. Il est le digne de louange subhanahu wa ta'ala. Et il est celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Donc cette invocation de dire « Ya Allah, pardonne-moi si tu veux, Ya Allah, fais-moi miséricorde si tu veux » est indigne. Et elle indique un manque de volonté aussi chez le serviteur, dans sa demande. C'est comme si c'était pas important pour lui. Si tu veux, pardonne-moi. Si tu ne me pardonnes pas, c'est pas grave. Donc, il y a un mal dans les deux sens. Dans le sens que l'homme, quand il demande, la créature, le serviteur, quand il demande, il n'est pas déterminé, il n'a pas cette demande de manière vraiment une volonté forte et une envie forte qu'Allah lui pardonne, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et de l'autre côté, c'est comme s'il pensait que Allah il est surchargé. S'il te plaît, allez, trouve-moi un moment pour me pardonner. Je sais que tu es surchargé. C'est sous-entendu. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, rien ne le surcharge. Il répond à toutes ses créatures en même temps, de la même manière qu'il répondrait à une créature en même temps. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, rien n'est au-dessus de ses capacités, subhanahu wa ta'ala. Donc on tire de ce hadith qu'il est interdit de faire ce type d'invocation, de dire « Ya Allah, pardonne-moi si tu veux » et « Fais-moi miséricorde si tu veux ». On tire aussi de ce hadith que l'on doit obligatoirement respecter Allah et exempter Allah de ce qui ne lui sied pas et qui ne sied pas à sa grandeur et à la grandeur de son bienfait et de sa miséricorde et à sa perfection, subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il se suffise à lui-même, ainsi qu'à sa bonté et à ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Donc une personne qui a une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte l'invocation de l'invoqueur s'il est sincère, il demande avec détermination. Le 24e hadith, le hadith al-rabi'u wal-ishroun, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا أو لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أخرجه مسلم. Ce 24e hadith de ce recueil, c'est un hadith aussi du noble compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu, où il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherche avec énergie et ardemment ce qui t'est utile. Demande avec énergie ce qui t'est utile. Puis prends aide auprès d'Allah et ne faiblis jamais. Ne te démotive jamais. Et si quelque chose t'arrive, malgré tout cela, ne dis pas, si je n'avais pas fait ceci, il serait arrivé ceci ou cela. Mais dis plutôt, Allah l'a destiné ainsi, et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Car dire si ouvre les portes aux œuvres de Shaytan. Car dire si ouvre les portes aux œuvres de Shaytan. Le début de ce hadith, dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-mu'minu al-qawiyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini al-da'if wa fi kilayhi ma khayr. Le croyant fort est plus aimé et meilleur auprès d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien dans les deux. Allah aime les croyants, mais il y a des degrés entre les croyants. Il y a les croyants forts, forts dans leur foi, forts dans leur conviction, forts dans les ordres d'Allah, forts dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, forts face au haram, forts face aux tentations. Et il y a les croyants faibles, qui sont croyants, mais qui n'ont pas cette force dans l'attachement à la vérité et dans leur attachement à Allah et dans leur foi. D'ailleurs, nous avons déjà parlé auparavant dans une des explications qu'Allah tabarak wa ta'ala incite à être fort et ferme dans son engagement. Comme il a dit au prophète Yahya alayhi salam, Ya Yahya, خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Ô Yahya, prends le livre avec force, avec détermination. Ainsi, le croyant déterminé, fort dans sa foi, fort dans ses convictions, fort dans son attachement à sa religion, est meilleur. Il est plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Mais il y a du bien dans les deux. Car dans les deux, il y a la foi. Même le plus faible est croyant. Donc il a du bien en lui. On ne désespère pas de son bien. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit que les gens sont perdus, c'est lui le plus perdu d'entre eux. Celui qui dit: ah, tout le monde est perdu, tout le monde est égaré, tout le monde est loin. Dans une version, فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ. Et dans une autre version, فَهُوَ أَهْلَكَهُمْ. C'est lui qui est le plus perdu d'entre eux. Et dans une autre version, c'est lui qui les a perdus. C'est lui qui est la cause de les égarer, en disant cette parole. Donc, alhamdulillah, nous avons toujours bon espoir en Allah. Nous savons que sa religion vaincra, que la vérité sera au-dessus du faux. Et que les croyants seront secourus, n'en déplaise aux ennemis d'Islam. Ceci est une promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, et c'est une promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques, que cette religion entrera dans chaque maison. En élevant celui qui va l'accepter et en rabaissant celui qui va le refuser. La question n'est donc pas là. La religion va vaincre. La question est, ferons-nous partie du groupe des vainqueurs ou non ? Donc la vraie crainte, ce n'est pas sur la religion. Il ne faut pas craindre sur la religion. Ne craignez pas la perte de la religion. Allah s'est chargé de préserver sa religion. Et Allah, tabarak wa ta'ala, a choisi des gens à chaque époque pour renouveler sa religion, pour préserver sa religion, pour transmettre sa religion, pour qu'elle reste intacte. Qu'il soit peu ou beaucoup, selon les époques, et selon les lieux, et selon les moments, et selon les endroits. Mais sa religion vaincra. Donc la question à se poser, c'est, ferons-nous partie des vainqueurs ou non ? Il faut choisir son clan, il faut choisir son camp, il faut choisir sa voix, il faut choisir son groupe et rester ferme. Et essayer de faire partie de ces gens-là, des croyants forts, des gens qui seront à la fin des temps des étrangers, comme des personnes qui tiendront leur religion aussi difficilement qu'une personne qui tient une braise dans sa main. Mais pour ça, il faut une détermination. Il ne faut pas se laisser emporter par les tentations. On a une seule vie, une seule. Et on va rendre des comptes sur chaque moment de cette vie qui est passée. La seule manière d'être sauvé, c'est de se repentir de ce qui est passé et d'essayer d'améliorer ce qui va venir. Pour mourir d'une bonne mort et sur la bonne voie. Donc le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne les éléments par lesquels une personne est considérée comme un croyant fort. Recherche avec énergie ce qui t'est bénéfique, que ce soit dans les choses licites de ce bas monde ou dans ta religion. Bien sûr, en priorité dans ta religion, la science utile. Recherche-la avec énergie. Sois motivé. Fais des efforts. Ne sois pas fainéant. Fais des efforts pour mémoriser le Coran, pour le réviser. Mémoriser les hadiths, les réviser, écouter les cours, les comprendre, les réviser, les mémoriser. Comprendre toutes les règles de la religion qui te sont utiles. Car cette science de la religion, c'est la science qui est la plus utile pour toi. Il n'y a pas une œuvre, après les obligations, qui soit plus aimée auprès d'Allah que d'apprendre la science religieuse. Là, on parle des choses non obligatoires. Mais pour les choses obligatoires, on ne peut pas adorer Allah correctement sans en connaître au moins la manière de la pratiquer. Aussi dans les choses de dunya, dans les choses licites qui te sont utiles dans ta vie, dans tes obligations mondaines, sois énergique. Demande-les ardemment, avec énergie. Fais les causes. Fais toutes les causes licites en ta possession. Mais ne place pas ta confiance en ta propre personne. Ne place pas ta confiance dans les causes. Ne te repose pas sur le matériel. C'est pour ça qu'Allah tabaraka, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après, wasta'im billah. Donc, demande avec énergie ce qui t'est utile et prends aide auprès d'Allah. Prends appui auprès d'Allah. Ne t'appuie pas sur ta personne. Ne t'enorgueille pas. Ne te dis pas, j'ai fait ci, je vais faire ça. Ça va marcher, je suis capable. C'est moi qui construis mon avenir. Tout ça, c'est faux. Tu construis rien du tout. Tu ne construis rien. Tu n'es même pas capable de te préserver de certains microbes invisibles. Tu construis rien du tout. Tu fais les causes, comme Allah Ta'ala t'a demandé. Mais prends aide auprès d'Allah. Demande l'aide à Allah. Ya Allah, je ne suis capable de rien. J'ai fait les causes, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir. Je m'en remets à toi. C'est toi qui donne la réussite au projet. C'est toi qui permets la réussite des projets, subhanallah, ya Allah. واستعن بالله خو ايد وكذا demande à Allah l'aide pour te donner la force de faire les choses correctement et demande à Allah l'aide qu'il mette la bénédiction dans tes efforts et demande à Allah l'aide qu'il donne les meilleurs résultats et les meilleurs fruits de ces efforts que tu as de ces efforts que tu as fait. واستعين بالله ولا تعجز et ne faiblis jamais, ne te démotive pas. Car effectivement, Allah a fait que dans cette vie, rien ne s'obtient facilement. On n'est pas au paradis. Au paradis, tu es allongé sur des divans, tu as des fruits, tu as tout ce que tu veux. Ici, on est dans dunya. Toute chose se fait avec fatigue, avec effort, avec sacrifice. C'est pour cela que la fainéantise n'a pas de place dans la vie d'un être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait protection à Allah contre la fainéantise. Un fainéant n'est capable de rien faire dans sa vie, ni dans la religion, ni dans le dunya. Il faut donc combattre cette fainéantise et éduquer nos enfants à ne pas être des fainéants, mais être actifs dans le bien. D'ailleurs, l'oisiveté mène au péché. Quand la personne est oisive, il n'a rien à faire. Shaitan, il vient lui donner des milliers d'idées. Alors que celui qui est occupé, occupé dans le bien, occupé dans l'adoration, dans la science, dans le travail licite, dans toute chose utile et bénéfique, dans ses obligations religieuses et mondaines, il n'y a pas une place pour le haram. Il n'a pas le temps. Quand il a fini, il est épuisé. Il tombe sur le lit, il n'a même pas le temps de respirer. Il n'y a pas un temps pour le haram, il n'a pas de place. Donc, ne faiblis jamais. Donc, faire les causes avec énergie, s'en remettre à Allah et savoir que les causes ne font rien d'elles-mêmes, placer sa confiance en Allah, prendre aide et appui auprès d'Allah et ne pas faiblir dès qu'il y a une petite épreuve, une petite difficulté. Persévérer. Persévérer et demander l'aide à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et si malgré tout cela, tu as fait les causes comme il faut, tu t'en es remis à Allah, tu n'as pas baissé les bras aux premières épreuves, mais malgré cela, Allah en a décidé autrement. Cela n'a pas fonctionné. Cela n'est pas, le résultat n'est pas comme tu l'escomptais. Ne commence pas à dire, oui mais si j'avais fait comme ça, si tu n'avais pas fait comme ça, si tu avais fait comme ça, si l'autre... Plie-toi à la destinée. Dis, قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. Allah l'a destiné ainsi. Et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Dans une autre version, قَدَّرَ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. Ceci est la destinée d'Allah. Et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Sache avec certitude que cela n'aurait jamais pu être autrement. Jamais. Le résultat que tu as là, c'est ce qui était écrit dans les tablettes gardées 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Cela n'aurait jamais pu être un autre résultat à part celui-ci. Jamais. Sauf que tu ne le savais pas toi auparavant. Maintenant tu le sais. Donc comment tu réagis? Tu te soumets à la volonté d'Allah et à sa destinée, et tu ne te mets pas en colère, et tu ne te fâches pas, et tu ne commences pas à dire si, car si ouvre la porte au travail et aux œuvres de Shaitan. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que vient le rôle de la patience, de patienter sur la destinée d'Allah. Patienter. Et les patients ont une énorme récompense auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et la patience a plusieurs degrés. Et le plus grand degré, c'est de remercier Allah pour ce malheur qui nous est arrivé. Car si on sait, si le croyant sait avec certitude la récompense qu'Allah lui a réservée pour la patience qu'il a eue, alors il sait que ce qu'Allah va lui donner est meilleur que ce qu'il a perdu. Donc il remercie Allah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait une chose qu'il réprouvait, il disait Alhamdulillahi ala kulli hal. Louange à Allah quoi qu'il arrive, dans toutes les situations. Louange à Allah dans toutes les situations. Ajaban li amri al-mu'min. إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Le cas du croyant est vraiment étonnant, car son cas ne comporte pour lui que du bien. Quand il lui arrive un bonheur, il est reconnaissant envers Allah et c'est du bien pour lui. Et quand il lui arrive un malheur, il patiente et c'est du bien pour lui, et ceci n'est que pour le croyant. Qu'Allah nous compte parmi les bons croyants, les croyants forts. On tire de ce hadith l'incitation à faire des efforts dans la demande de ce qui est bénéfique, à la fois dans ce bas monde et dans l'au-delà, en faisant les causes licites. On tire de ce hadith l'obligation de demander l'aide d'Allah pour accomplir les actes bénéfiques et l'interdiction de se reposer sur sa propre capacité à changer les situations et sa propre puissance. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah tabaraka wa ta'ala. On tire de ce hadith l'interdiction de la paresse et le fait qu'il faut faire les causes pour chercher les causes bénéfiques. On tire de ce hadith l'affirmation du décret et du destin, et que le fait de croire dans le décret et le destin ne s'oppose pas avec le fait de chercher les causes et de faire les causes licites. On tire de ce hadith l'obligation de la patience au moment des difficultés et de la détresse. On tire de ce hadith l'interdiction formelle de dire « si » quand le but de cela est de s'indigner du malheur qui nous touche. On tire de ce hadith qu'il faut prendre garde des ruses de Shaytan et ne pas lui ouvrir les portes pour qu'il puisse nous atteindre avec ses mauvaises actions. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi. وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.